إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue maintenant la deuxième partie, aujourd'hui c'est le huitième cours et yani on explique la suite de ce que le cheikh Mohamed Bazmoul expliquait avec les explications des paroles des ulama. On a expliqué la parole de cheikh Mohamed l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans le cours précédent. On a terminé de lire la citation qu'on avait commencée au cours 6. Et juste avant de continuer dans qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer, yani, j'avais oublié de mentionner le fait qu'il y a un frère qui est venu, un jeune frère qui est venu avant la prière de Isha hier pour poser la question au sujet, étant donné qu'on avait parlé des prosternations et le fait de s'incliner devant quelqu'un d'autre, comme on a donné l'exemple des soufis, yani, qui quand ils se rencontrent, ils s'inclinent ou ils se penchent les uns envers, en face des autres lorsqu'ils se saluent. Et yani, on a mentionné que ça rentre dans la description de qu'est-ce qu'on appelle sujoud dans la langue arabe, et que ça également ça fait partie de qu'est-ce qui est interdit, et que ça fait partie des adorations. Donc on ne doit pas l'offrir à autre que à Allah, on ne doit pas s'incliner devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le frère a posé la question au sujet du judo ou des arts martiaux parfois, que lorsqu'ils font pratique des arts martiaux, ils doivent s'incliner ou se prosterner devant le dojo en rentrant, ou bien devant la photo du maître, des choses de ce genre. Yanni, j'ai vu ça dans certains dojos, avant de commencer, ils se prosternent devant la photo de yani, celui qui était leur professeur ou leur maître, yani. Donc je me rappelle même une fois j'étais parti pour prendre des cours d'aïkido, et quand je suis rentré j'ai vu les gens faire des prosternations ou de s'incliner devant la photo du maître, et à cause de ça donc j'ai refusé de participer donc, ou de suivre ces cours-là à cause de ça. Donc c'est parce que ça fait partie des sujoud, yani, et ça rentre dans l'adoration. Donc on n'a pas le droit de faire ça, de se prosterner devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon ça rentre dans ce qui est considéré comme étant shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la même chose aussi lorsque ils se saluent avant le combat, ils se saluent en s'inclinant ou en penchant la tête les uns en face de l'autre, et ça bien entendu c'est interdit également, et ça rentre dans qu'est-ce qui est shirk aussi. Donc il faut pas qu'un musulman penche sa tête devant quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parmi les formes d'inclinaison ou de révérence, ou de se pencher, et même si on prétend que c'est juste par respect ou pour saluer ou par des choses de ce genre, il faut pas le faire, puisque on doit pas se pencher ou se prosterner excepté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Le cheikh il dit al-jawab, parce qu'on avait posé la question, à quoi va servir le fait de dire la ilaha illallah aux gens qui ont commis des actes de shirk par la suite, tout en ayant affirmé tawhid al-rububiyya. Est-ce que ça va leur servir à quelque chose d'avoir dit la ilaha illallah? Et le cheikh il a dit al-jawab la tanfa'uhum kama lam yanfa'u al-kuffar tawhid al-rububiyya. Donc de la même manière que le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans la rububiyya, ça n'a rien servi aux mushrikines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien de la même façon ceux aujourd'hui qui disent la ilaha illallah mais qui vont commettre des actes de shirk qui rentrent en opposition avec le tawhid, donc ceux-là c'est sûr que leur shahada de la ilaha illallah ne leur servira à rien. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah, ou man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, les ulama ont expliqué que bien entendu c'est pas juste de prononcer la parole de la ilaha illallah, mais c'est de la prononcer tout en sachant ce qu'elle signifie et en respectant ses conditions également. Donc celui qui dit la ilaha illallah en sachant qu'est-ce que ça signifie et en comprenant ce que ça implique et en sachant ce qui s'y oppose et qui le met en application et qui respecte ses conditions, celui-là, ça va lui servir quelque chose de dire la ilaha illallah. Toutefois, celui qui le dit seulement comme une parole, comme ça qu'il le répète, comme on fait répéter une parole à un perroquet, eh bien ça va lui servir à rien. Si c'est pas qu'est-ce que ça signifie. Et donc le cheikh il dit وقال ابن تيمية رحمه الله والإله هو المستحق للعبادة أما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر فليست الإلهية هو الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا هو فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل التوحيد حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام ولا يحسبونها شركا أدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي من أصوله أو هي من أصله فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui sont des paroles très claires et mashallah qui sont des paroles qui clarifient et qui expliquent complètement et parfaitement la signification de la ilaha illallah et du tawhid dans l'adoration. Donc il dit que al ilah ça signifie celui qui mérite d'être adoré. Comme quand tu dis la ilaha illallah, c'est comme si tu disais la comme les ulama ils l'expliquent, la ma'bouda bihaqqin illallah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, en ce qui concerne celui qui croit que Allah est son Seigneur, et que c'est lui le maître et le Seigneur de toutes choses, et que c'est lui le créateur de toutes choses, et que malgré ça il adore d'autres avec Allah, alors c'est un mushrik. Il a associé avec son Seigneur, et il a pris avec son Seigneur d'autres divinités. Donc, al-ilahiyya, c'est pas de croire que Allah peut créer. Et c'est pas de croire que Allah a la capacité de créer ou de croire qu'il est éternel seulement. Ça suffit pas. Hein? Comme certains parmi les gens de Bid'a ont interprété cette parole, yani, quand ils disent la ilaha illallah, comme on l'a expliqué déjà, eux ils pensent que ça veut dire il n'y a de créateur que Allah, il n'y a de maître que Allah, et il n'y a personne qui peut créer excepté Allah. Le cheikh il dit ça c'est des choses qui ont été inventées par les gens de kalam, ilmul kalam, ceux qui ont amené ilmul kalam, hein, les gens qui ont ramené yani, des compréhensions de l'islam qui sont disons inspirées ou tirées de la philosophie des Grecs ou bien yani, disons de la dialectique d'Aristote ou des choses de ce genre. Ils ont interprété l'islam selon la philosophie des Grecs et de ce qui découle de ces choses-là. Et donc, ils s'imaginent que pour être un monothéiste, ou bien pour dire qu'on croit à un Dieu unique, il suffit de reconnaître que Dieu est unique et de reconnaître que c'est lui seul qui crée. Donc, le cheikh, il dit ça, c'est pas suffisant, puisque même les mushrikoun qu'on a, qui témoignaient, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et le Créateur, ils n'avaient aucun doute là-dessus, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet que ce sont des mushrikoun, hein. Donc, le cheikh, il dit, ils n'avaient aucun doute sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est leur créateur et que c'est lui qui a créé toutes choses et que c'est lui le Seigneur et que c'est lui qui est maître de toutes choses. Et donc, ils avaient compris, hein, s'ils avaient compris, disons, si ce qu'ils avaient compris c'était ça, la ilaha illallah, ils n'auraient eu aucun empêchement, rien ne les aurait empêchés de dire la ilaha illallah. Si de reconnaître que Allah c'est le seul créateur et le seul maître, c'est ça la ilaha illallah, alors les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'auraient jamais refusé de dire la ilaha illallah. Pourquoi ils auraient refusé de dire la ilaha illallah? Pourquoi ils auraient combattu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant toutes ces années pour dire la ilaha illallah si le fait de reconnaître que Allah est le créateur ça suffisait pour être un mu'min? Ils auraient dit d'accord, on accepte ce que tu dis, c'est correct, on est d'accord avec la ilaha illallah, puisqu'on croit que Allah existe et que c'est lui le créateur et c'est lui le maître. Ils ne l'auraient pas combattu pendant toutes ces années, hein? Donc ça c'est la preuve que la ilaha illallah ça ne signifie pas ce que ces gens là prétendent, hein, lorsqu'ils pensent que le fait de dire la ilaha illallah c'est uniquement pour établir ou confirmer Ar-Rububiyya, ou bien Tawhid Ar-Rububiyya. Donc le cheikh il dit ça, c'est un point très important, et c'est un point très grand, et c'est important de le connaître. Chacun doit le connaître, parce que beaucoup de groupes parmi les gens ont eu des confusions justement au sujet de ce fondement de l'islam. Et ils en sont arrivés même à faire rentrer des aspects ou des choses qui font partie du shirk dans l'islam, en croyant que ces choses-là ne sont pas shirk. Hein? Ils pensent que ces choses-là ne font pas partie du shirk, à cause de leur ignorance. Ou bien, ils ont même fait rentrer dans le tawhid et dans l'islam des choses qui sont totalement fausses. Et eux, ils s'imaginaient que ces choses-là faisaient partie du tawhid. Alors qu'en réalité, ces choses-là viennent en opposition totale et représentent des négations totales du tawhid. De même qu'ils ont fait sortir de l'islam et du tawhid des choses qui sont importantes, très grandes, eux, ils n'ont pas pensé que ces choses-là faisaient partie du tawhid et même des fondements du tawhid. Donc, La plupart d'entre ces gens-là qu'on appelle les gens de Kalam, hein, les gens de Kalam, ce sont qui? Ce sont les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, hein, ceux qui se basent sur leur raison pour comprendre la religion d'Allah et qui mettent de côté les textes de la révélation, hein, et qui essaient de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala en se basant juste sur la logique et sur les principes de qu'est-ce que les Grecs ont établi comme philosophie ou des choses de ce genre, et qui nient les attributs d'Allah. Donc pour eux, ils pensent que le tawhid, c'est juste, comme on l'a dit, hein, de se baser sur ces opinions-là et sur ces positions-là et sur ces croyances-là, d'affirmer qu'Allah est le créateur. Et en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec l'intention et avec l'adoration, ces choses-là, ils les ont exclues de, ils les ont exclues du tawhid. Pour eux, ça ne fait pas partie du tawhid. Donc le cheikh, il dit, bal tawhid alladhi la budda minhu la yakun illa bi tawhid al-irada wal-qasd wa huwa tawhid al-ibada. Donc il dit, le vrai tawhid que chacun doit réellement amener et établir, c'est le tawhid de la volonté et de l'objectif, yani le fait que tu prends pour objet d'adoration et que tu te diriges uniquement dans ton intention vers celui qui t'a créé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu tournes toute ton adoration vers lui seul. C'est ça le tawhid que Allah nous ordonne de réaliser et d'accomplir. C'est le tawhid dans l'adoration. Et donc, quand on dit la ilaha illallah, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens d'établir que l'adoration appartient uniquement à Allah. Et de vouloir uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration. Et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الإسلام يتضمن أصلين أحدهما الاستسلام لله والثاني أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له هذا هو الاستسلام لله دون ما سواه وسورة قل يا أيها الكافرون تفسر ذلك ولا ريب أن العمل ومقصده مسبوق بالعلم فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله أما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد الصمد. Donc le cheikh il explique que l'islam il implique deux fondements. Le premier, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala et entièrement à lui uniquement. Et deuxièmement, أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له. Donc c'est ça, de se soumettre à Allah et de faire en sorte que tu te soumets que à lui seul, et que tu te soumets à lui seul en dehors de toute autre chose. Ça c'est le deuxième aspect. Et donc le cheikh il dit, et ça c'est expliqué par les deux versets, surat قل يا أيها الكافرون et par قل هو الله أحد. Donc en fait c'est qu'il explique en fait les deux catégories de tawhid. Comme on a dit, on peut diviser le tawhid en une catégorie, en trois catégories ou en deux catégories. Hein? Quand on le divise en trois catégories, on a dit c'est tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-asma al-sifat. Et si on le divise en deux catégories, c'est tawhid al-irada wal-qasd, ça équivaut à tawhid al-ibada. Et il y a l'autre catégorie par la suite qui est tawhid al-ilm wal-ma'rifa wal-ithbat. Et ça c'est le tawhid de al-asma al-sifat et de al-rububiyya qui sont réunis ensemble en une seule catégorie. Ça fait deux, hein, deux catégories. Et donc c'est ces deux catégories là, si on le divise en deux, qui sont expliquées dans ces deux sourates. Qul huwa Allahu ahad, sourate al-ikhlas, et qul ya ayyuha al-kafirun, qui est le tawhid dans l'adoration. Et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne ces exemples-là. Il dit surat Qul ya ayyuhal kafirun, elle explique donc le fait de se soumettre à Allah seul, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Et il n'y a pas de doute que, avant ça, bien entendu, il faut que notre adoration soit établie et notre tawhid soit établi sur la science et sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la connaissance et le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. En ce qui concerne le tawhid dans la parole, et donc ça c'est bien entendu qu'est-ce qui est établi dans le fait de connaître ce que Allah nous a donné comme information à son sujet, et ça c'est comme les exemples de ce qui est mentionné dans Sourate Al-Ikhlas, puisque dans Sourate Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à propos de lui-même. Dans cette sourate, toute la sourate elle ne parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, du début jusqu'à la fin. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc cette sourate, sourate l'Ikhlas, elle équivaut au tiers du Coran, hein? Elle équivaut au tiers du Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate il nous mentionne certains de ses noms comme Al-Ahad et Al-Samad, hein? Et yani c'est Al-Ahad, c'est-à-dire l'unique, et As-Samad, celui vers qui tous doivent se tourner, hein, et c'est lui seul vers qui c'est lui seul que yani les créatures doivent, c'est vers lui seul que les créatures doivent se tourner lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Donc ça c'est As-Samad. Et la signification du fait que le Coran que Sourate Al-Ikhlas représente le tiers du Coran, comme les ulama l'ont expliqué, c'est dans le sens que ils ont mentionné le fait que dans le Coran, si on le lit, on voit que un tiers du Coran parle à propos du tawhid, et un tiers du Coran c'est les informations au sujet de l'histoire et de l'exemple des prophètes et de la vie des prophètes. Puis un autre tiers du Coran concerne les règles et les interdictions et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on comprend ça comme il faut, on comprend donc que qul huwa Allahu ahad, sourate al-ikhlas, étant donné que elle est entièrement dédiée au tawhid, eh bien, on peut dire que ça représente donc un tiers par rapport à ce qui est expliqué dans le Coran. Et donc, ça c'est qu'est-ce qui est expliqué par rapport à ça, que ces deux sourates, yani قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ et قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, elles résument en fait les trois catégories de tawhid. Le cheikh ensuite il dit وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده وكمال الخوف منه وحده والرجاء له والتوكل عليه وحده والتوكل عليه كما يبين القرآن ذلك في غير موضع وكل ذلك من أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده وبذلك يكون الدين كله لله كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية حيث يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, on peut inclure dans ça le fait d'avoir un amour pour Allah seul et de parfaire notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit uniquement pour lui seul, et de parfaire également notre crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre crainte soit uniquement une crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également de parfaire notre espoir et de faire en sorte que on met notre espoir que en Allah subhanahu wa ta'ala, de même que le fait de mettre notre confiance, on met notre confiance que en Allah subhanahu wa ta'ala, en lui seul. Et comme cela est expliqué dans plusieurs versets au sujet de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est répété dans plusieurs versets dans le Coran. Tout ça fait partie des fondements du tawhid, Donc on peut comprendre que déjà le tawhid à la base, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, et en commençant bien entendu par les adorations du cœur. Parce que l'amour et la crainte et l'espoir et at-tawakkul, tout ça ce sont des adorations du cœur. Et parfois, quelqu'un pourrait par exemple faire des actes d'adoration avec son corps pour Allah seul, sauf que dans son cœur, par contre, dans son cœur, il met sa confiance en autre que Allah parmi les créatures, ou bien il craint autre que Allah, ou bien il aime d'autres avec Allah. Donc, il faut purifier notre tawhid dans tous les aspects, que ce soit dans les actes du corps et dans les actes du cœur. D'accord? Et tout ça, ça fait partie des fondements du tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et rendu obligatoire à ses serviteurs. Et c'est ainsi donc qu'il fait en sorte que sa religion et son adoration soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela à tous ses messagers et aux croyants, et qu'il leur a ordonné de combattre pour arriver jusqu'à cet objectif-là et à ce but-là. Dans le sens que, pardon, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Sourate Al-Anfal, le verset 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, c'est-à-dire, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et les ulama de tafsir ont expliqué que le mot fitna dans ce verset, ça signifie le shirk. Donc, en réalité, si on lit le verset dans ce sens-là, ça veut dire, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, et que la religion tout entière soit pour Allah seul. D'accord? Donc, le but dans l'islam, pour les croyants, le but du combat dans l'islam, c'est pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration sur la terre, pour que rien d'autre que Allah ne soit adoré par les hommes. Hein? Et ça, c'est la base même de l'islam et du tawhid. Hein? Et qu'est-ce qu'on constate en fait souvent, et ça c'est important de se souvenir de ça, c'est que on voit que par exemple, souvent les gens parlent de la laïcité, puis ils s'imaginent que la laïcité donc donne la liberté de religion à toutes les croyances et à toutes les religions, et certains d'entre les prêcheurs islamiques, parfois, ils essaient de faire croire qu'il n'y a rien qui est en opposition avec, il y a rien qui est en opposition entre l'islam et la laïcité. Et ça, c'est totalement faux, et ça peut uniquement être mentionné, ou ça peut uniquement être pensé de la part d'une personne qui n'a jamais compris la réalité du tawhid dans l'islam. Puisque dans l'islam, le tawhid, ça signifie de mettre ou d'offrir notre adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça implique que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être considéré comme étant faux et considéré comme étant interdit, hein, et que ça fait partie de qu'est-ce qui représente le plus grand crime, hein, qu'un être humain peut commettre, c'est-à-dire d'offrir une adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la laïcité, elle dit le contraire de ça. La laïcité, elle dit quoi? Elle dit tout est égal, et tout ce que les hommes adorent, c'est la même chose, que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, le créateur de l'univers, ou que ce soit une croix, ou un être humain, ou un animal, ou une image, ou une statue, ou une idole. Toutes les religions sont pareilles. Et tout ce que les religions adorent en dehors d'Allah, c'est à égalité. On ne donne pas de priorité ou de préférence à celui qui adore une vache ou à celui qui adore autre que Allah, c'est-à-dire on ne va pas donner préférence à celui qui adore Allah seul, à celui qui adore autre que Allah parmi les créatures. Pour eux, tout ça, c'est la même chose. Et donc, c'est pour dire qu'ils mettent le shirk et le tawhid au même degré et au même niveau pour eux. Et ça, c'est le contraire du tawhid, hein, puisque l'islam rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les créatures et est venu pour établir sur la terre l'adoration d'Allah seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, quand il a combattu, il n'a combattu que pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas combattu pour obtenir des terres, ou pour obtenir de l'argent, ou pour obtenir des richesses, ou pour agrandir son pouvoir sur la terre, ou sa force sur la terre. C'était pas ça le but. Le but, c'était d'enrayer toute forme de shirk sur terre, et éliminer de la terre tout ce qui est adoré par les créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, les idoles, les statues, hein, les êtres humains et autre chose, hein, le soleil ou la lune, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de retirer ça du cœur des hommes, premièrement, et d'enrayer et d'éliminer les choses que les hommes adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est l'aqida du tawhid. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ça aux sahaba, eh bien les sahaba par la suite sont partis sur la terre et ils ont fait en sorte que cette religion soit propagée partout et que le tawhid soit établi partout. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé au fur et à mesure? Malheureusement, c'est que yani, différentes formes de bid'a et de shirk se sont infiltrées par la suite et ont commencé à se propager à travers les différents pays musulmans jusqu'à ce que les gens commencent à prendre les tombes comme des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils commencent à les adorer. Puis la situation est arrivée au point où on l'a constaté aujourd'hui que beaucoup de musulmans se sont détournés de leur créateur et ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala et ont mis leur confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala en adorant des morts et des saints et d'autres choses de ce genre. Donc, le devoir des musulmans aujourd'hui, de toute personne, de tout musulman qui a compris le tawhid et la réalité de l'islam, c'est de ramener et de rappeler aux musulmans l'importance du tawhid et la réalité de cette religion pour purifier donc pour purifier la aqida des musulmans et les ramener au droit chemin. Malheureusement, juste un point à ce sujet-là, c'est que qu'est-ce qu'on constate de la part de certains groupes et de la part de certaines jama'ats, c'est qu'ils ont fait de ça comme quelque chose qui était secondaire, ou qui n'avait pas d'importance. Et ils font, parmi qu'est-ce qu'ils font dans leur discours et dans leur manhaj, c'est uniquement de dire qu'il faut ramener les musulmans à certaines pratiques de l'islam, d'accord, puis ils mettent de côté l'explication et la clarification des fondements de la religion et des fondements du tawhid. Parce que selon eux, le fait d'expliquer aux musulmans le tawhid, ça crée des divisions. Ils disent, si vous parlez du tawhid, ça va diviser les musulmans. Si vous parlez de aqidah, ça va diviser les musulmans. Donc, il faut éviter de parler de tout sujet qui pourrait créer entre les musulmans des divisions et des divergences. Et bien entendu, ça c'est absolument faux et complètement contraire à la vérité. Puisque, yani, en réalité, c'est que parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui, bien entendu, ont dévié de la réalité de l'islam. Et ces groupes-là, la seule chose qu'ils veulent, c'est de rassembler les gens ensemble et de les mettre ensemble juste pour arriver à défendre certaines causes ou arriver à réaliser certains objectifs politiques ou des choses de ce genre. Mais c'est pas d'arriver à réaliser les objectifs que Allah nous a ordonné de réaliser, c'est-à-dire de réaliser le fait de rentrer au paradis et d'obtenir l'agrément d'Allah et d'établir la religion d'Allah sur la terre et dans nos vies personnelles pour que, inshallah, lorsqu'on meurt, si on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on a établi son adoration comme il nous l'a demandé et que, inshallah, on soit apte et capable de rentrer dans son paradis avec les choses que ça nécessite et que ça exige de nous. D'accord? Donc le fait de vouloir obtenir ou réaliser certains objectifs politiques ou économiques, ça ne doit pas être placé au devant de la réalisation du but de notre existence, qui est d'adorer Allah et de purifier notre tawhid et notre adoration pour lui seul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, celui qui s'imagine que le fait de parler du tawhid, de clarifier le tawhid, ça va diviser les musulmans, alors il faut demander à ce genre d'individu, qu'est-ce que vous pensez qui va pouvoir les unir? Si c'est le tawhid qui va les diviser, qu'est-ce qui va les unir? Qu'est-ce qui va unir les mu'minines? Qu'est-ce qui va unir les croyants? Si le tawhid les divise, est-ce que c'est le shirk? Est-ce que c'est le shirk qui va les unir? Est-ce que c'est la bid'a qui va les unir? Hein? Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et donc, le fait d'éviter de parler de ces sujets-là, par crainte de faire peur ou de froisser, hein, les idées ou les pensées de certains individus parmi les gens qui ont, disons, accepté l'égarement ou la bid'a et qui refusent d'entendre parler de la vérité, ou bien des gens parmi les groupes de bid'a qui sont obstinés à vouloir suivre les idées de certaines sectes et refusent d'accepter le tawhid, eh bien, yani, ces gens-là, yani, c'est parce qu'ils sont aveuglés par leur passion. Regardez par exemple, si on regarde par exemple les fondateurs de certaines jama'at aujourd'hui, comme par exemple, on va donner comme exemple Jama'at al-Tablir. Hein? Eh bien, les fondateurs de ce groupe, qu'on peut en fait qualifier de secte, puisqu'elle possède toutes les caractéristiques des sectes, eh bien, on peut voir que le fondateur de ces groupes-là, aujourd'hui, il faisait partie de gens qui appartenaient à des croyances et des idéologies qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Comme par exemple, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, c'était le fondateur de la Jama'at Tablir. Il fait partie lui-même d'une école en Inde qu'on appelle les Diobandiya. Et l'école des Diobandiya, c'est une école soufie en Inde, et qui, bien entendu, pratique ou prône plusieurs formes de shirkiyat et plusieurs formes de bid'ah également dans ses croyances et dans ses pratiques, d'accord, et qui s'apparente au soufisme également. Et le fondateur lui-même, Mohamed Elias, comme je disais, non seulement il était de cette école qu'on appelle Diobandiya, mais également il fait partie d'une tariqa soufia qu'on appelle la tariqa al-jistiyya. D'accord? Et, bien entendu, comme la plupart des turq soufia, ils prônent la croyance en wahdatul wujud, c'est-à-dire le fait de croire en l'unicité de l'existence. Hein? Et ça, c'est une croyance de kufriani parmi les croyances des soufiyines qui disent qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Allah est tout, et tout est Allah. C'est ça la aqida de wahdatul wujud. Hein? Et les ulama ont été tous d'accord pour dire que cette aqida-là, elle est une aqida de kufr. Et ce n'est pas une aqida qui est spécifique à la tariqa jistiyya. C'est une aqida qui est prônée par la majorité des turcs soufis aujourd'hui, sans exception. Donc, bien entendu, si quelqu'un a des doutes à ce sujet-là, il peut retourner aux livres qui sont écrits par les soufis de ces différents turcs, et il va constater que dans leurs écrits et dans leurs paroles, il y a beaucoup de formes de manifestations de cette aqida qui est totalement contraire à l'islam, qui est la aqida de wahdatul wujud, et également il y a la aqida parmi les aqaïd des soufis. Il y a l'aqida qu'on appelle aqidatul hulul, al-hulul, wal-fana, wal-ittihad, c'est-à-dire des gens qui croient que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala entre en certaines personnes, en certaines personnes parmi les pieux et devient un avec ils deviennent et quoi qu'ils deviennent un avec Allah subhanahu wa ta'ala, un peu comme les chrétiens qui s'imaginent que Dieu est devenu un avec Isa ibn Maryam, des choses de ce genre, hein, que Dieu s'est incarné en Isa ibn Maryam. Donc certains soufis, ils ont la même aqida que ces chrétiens là et donc ça fait partie de la aqida de ces gens là même s'ils le disent pas ouvertement. Et également, parmi les croyances de cette école qu'on appelle l'école Ad-Diobandiya, il y a la aqida des Maturidiyya, parce que c'est la aqida qu'ils enseignent dans leurs écoles des Diobandiyya. Et la aqida des Maturidiyya, c'est une aqida qui est, on peut dire, la sœur jumelle de la aqida des Asha'ira, ceux qui font le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'affirme que 8 attributs seulement, et qui déforme et qui nie le reste des autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces fausses croyances et ces croyances d'égarement et de bid'a sont enseignées dans les écoles des Diobandiya en Inde, au Pakistan et dans beaucoup d'autres pays musulmans. Et ces gens-là font partie des gens qu'on appelle des gens de kalam. Ahlul Kalam. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour eux le tawhid, ça se limite uniquement au tawhid dans Ar-Rububiyya. Ça ne comprend pas le tawhid dans l'adoration. Pour eux, si quelqu'un prend une tombe, ou va demander à un mort dans sa tombe, ils disent que du moment qu'il croit que ce mort ne peut pas lui nuire ou lui profiter, il peut lui demander ou l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sans problème et le prendre comme un intermédiaire entre lui et Allah. Et nous, on leur répond en leur disant que même les mushrikoun, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'était lui le seul qui pouvait nuire et profiter, et que c'était lui le seul créateur et pourvoyeur, le seul maître de l'univers, et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des mushrikoun. Donc, ça c'est un exemple par rapport à la croyance et aux idées de celui qui a fondé le groupe de Jama'at al-Tablir, sans oublier plein d'autres formes de bid'ah qui sont appliquées et établies par différents individus qui sont autour des chefs et des responsables de cette tariqa, puisqu'elle a été établie sur une bay'a à 4 turuq parmi les turuq soufiyya, al-Naqshbandiyya, al-Saharwardiyya, al-Jistiyya wa al-Shadiliyya. Donc ça c'est les 4 turuq soufiyya à laquelle les fondateurs de la tariqa ou de la secte des Tabliriyin ont donné une bay'a, c'est-à-dire un serment d'allégeance. D'accord? Et vous allez remarquer, que les gens de Tablir, ce sont des gens qui ont un fort penchant pour le tasawwuf. Pour, qu'est-ce qu'ils appellent le tasawwuf. Et, c'est-à-dire le soufisme. Et, même s'ils n'y appellent pas directement et ouvertement, eh bien, toute personne qui a fréquenté ces gens-là pendant un long moment et qui se promène avec eux, il va constater donc parmi eux que beaucoup d'entre eux sont encouragés à pencher vers ces mouvements et vers ces tendances-là. Donc, beaucoup de gens qui parmi les musulmans ne connaissent pas ça, eh bien, ils vont voir ces gens-là arriver, puis ils ne vont pas penser que ce sont des gens qui veulent du mal ou qui ont une contradiction avec l'islam, puisque en apparence ils ne font que dire aux gens de faire la salat, puis de venir à la mosquée, puis de faire des bonnes œuvres en apparence. Donc personne s'imagine que ces gens-là appellent à de l'égarement, et c'est pour cette raison-là même que ils ne veulent pas parler de aqida et de tawhid. Puisque s'ils commencent à parler de aqida et de tawhid, ils vont être obligés de commencer à mentionner leur aqida maturidiyya et ces choses-là, et bien entendu de parler de tasawwuf, et les gens vont savoir tout de suite qu'ils ont des égarements. Donc, ils évitent de parler de ces sujets-là pour justement pouvoir attirer les gens à leur mouvement et à leur groupe, puis bien entendu profiter de leur ignorance pour petit à petit les infiltrer, les égarer de la voie de Ahl-Sunna wal-Jama'a. Et ça c'est l'exemple de Jamaat Tabligh, donc c'est une de leurs méthodes, de ne pas parler d'Aqidah parce qu'ils pensent que ça va faire diviser les gens. Et on retrouve cette tendance-là également chez les gens qui sont membres de l'autre secte qui est très répandue aujourd'hui à notre époque, qui est la Aqidah ou la secte des Ikhwan al-Muslimin, ceux qu'on appelle les frères musulmans, fondés par Hassan al-Banna. Et lorsqu'on regarde encore une fois la croyance et la Aqidah du fondateur de cette secte, ou de ce groupe, eh bien on va constater qu'il y a des grandes ressemblances avec celle de celui qu'on a parlé dans la première secte. C'est-à-dire que Hassan al-Banna lui aussi faisait partie des gens qui suivaient une tariqa soufiya. Et il a lui-même donné une bay'a à un cheikh de la tariqa al-Hisafiyya al-Shadiliya en Égypte. Et bien entendu c'est une tariqa qui, même si son petit-fils Tariq Ramadan prétend que c'est une tariqa qui est 100% en accord avec la sunna, eh bien la réalité est contraire à ce qu'il prétend. Puisque lorsqu'on regarde les pratiques et les croyances qui sont prêchées par la tariqa al-Shadiliya al-Hisafi, eh bien on remarque que dedans, il y a bien entendu les mêmes problèmes que celles qu'on a mentionnées au sujet de Al-Jistiyya, comme par exemple la croyance en Wahdatul Wujud, et également toutes sortes d'autres formes de croyances comme Al-Hulul et d'autres choses de ce genre, et également d'autres bidars, comme par exemple le fait de faire des pèlerinages aux tombes et des choses de ce genre, d'aller s'asseoir auprès des tombes pour espérer que des émanations divines tombent sur nous à cause de la proximité de la tombe du Wali, et donc d'obtenir des barakat de ce genre de pratique. Et sans oublier également le fait qu'il faisait partie de ceux qui prônaient la aqidah des Asha'ira au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc il fait partie des gens qui avaient la aqidah Ash'ariya. Donc il fait partie des gens de Kalam. Et c'est également pour cette raison-là qu'il ne dénonçait pas le shirk qui se produit en Égypte autour de la tombe de celui qu'on appelle Al-Badawi, ou bien de Zainab, ou bien de d'autres parmi les tombes qui sont adorées, comme la tombe de Al-Hussein, où on prétend que la tête de Hussein est enterrée en Égypte, et où les gens vont chaque année faire des pèlerinages à ces endroits-là. Eh bien, Hassan al-Banna, durant sa vie, il a participé à une célébration qui était organisée à la tombe de Zainab, justement lors de la fête de la bid'a de la naissance, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bid'a. Eh bien il a participé donc à une célébration à cet endroit-là, et il n'a mentionné rien au sujet du shirk qui était pratiqué à cet endroit-là, et il a célébré avec les gens qui célébraient à cet endroit-là. Et ces groupes-là, que ce soit Tabligh ou que ce soit Al-Ikhwan, eh bien, ils n'empêchent personne de faire partie d'une aqidah quelconque ou de se joindre à une aqidah quelconque. C'est-à-dire que pour eux, la aqidah, ça ne fait pas partie des choses de base dans ces jama'at-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire partie des khawarij, des soufiyas, des Mu'tazila, avoir toutes sortes d'idéologies et être accepté dans ces groupes-là comme étant un membre. Et même parfois des gens qui ne pratiquent même pas l'islam, ne font même pas la salat, et ils les acceptent quand même comme étant des membres de leur groupe actif, même s'ils font des grands péchés parfois. Donc c'est des exemples de choses qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam et avec les fondement du tawhid et de certaines pratiques de l'islam. Donc, ça, c'est pas seulement même limité à Hassan al-Banna lui-même, mais à plusieurs d'entre les Mourchidines, parmi les chefs qui ont géré ce groupe-là après la mort de Hassan al-Banna, qui ont été d'accord avec plusieurs choses qui sont en opposition avec le Tawhid aussi par la suite. Donc, yani, quand on observe ces choses-là et quand on regarde tout ça, eh bien, c'est important de comprendre ça parce que par la suite, on arrive à comprendre pourquoi ces gens-là, par la suite, disent il faut pas parler d'aqida, il faut pas parler de tawhid. Pourquoi? Parce que justement, ils savent qu'ils ont des erreurs dans l'aqida et qu'ils ont des erreurs dans le tawhid. Et que si on parle d'aqida et de tawhid et qu'on clarifie les contradictions qu'ils ont avec ces sujets-là, que c'est certain que les gens vont s'écarter et vont s'éloigner de ces groupes-là. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ne font que parler de politique tout le temps et d'économie ou d'autres sujets sociaux. Et ils laissent de côté les bases de la religion musulmane et ils n'en parlent jamais ou presque jamais, sinon ils parlent que des éléments sur lesquels tout le monde est d'accord. Et même parfois c'est des choses que si tu les mentionnes à des chrétiens, même les chrétiens vont être d'accord et les juifs vont être d'accord sur ces choses-là qu'ils mentionnent. C'est-à-dire, ils restent sur des généralités et ils ne se concentrent que sur des généralités et ils ne vont pas toucher aux questions et aux points de la aqida qui sont fondamentales et qui parfois nécessitent d'être clarifiées puisque beaucoup de contradictions existent dans la Oumma parmi les différents groupes de musulmans aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et des imams de l'islam avant lui, elle a toujours été établie sur le fait de clarifier la base de la religion et les fondements de la religion en premier de tout, et de purifier le tawhid avant toute chose. Puis, ensuite, de clarifier et d'expliquer les autres aspects de la religion et de l'adoration. Hein? Même le prophète, même tous les messagers d'Allah, c'est ça ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand ils ont appelé les hommes à Allah, est-ce qu'ils sont venus pour commencer à leur parler, par exemple, d'économie ou de politique, alors qu'ils pratiquent le shirk? Non. Ils ont commencé, bien entendu, par leur expliquer, premièrement, la ilaha illallah, qu'ils doivent adorer uniquement Allah et purifier leur croyance. Hein? Donc, c'est ça la da'wah des prophètes et c'est ça qu'il est obligatoire pour toute personne qui veut travailler dans ce domaine et faire de la da'wah et inviter les hommes à Allah et à l'islam. Eh bien, il doit commencer par la correction et la purification de cette aqida de l'islam. Donc, on va continuer donc la lecture des paroles du Cheikh Mohamed Bazmoul ici. Il dit ولذلك يقول المصنف يرحمه الله فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعوتهم الصالحين وتعلقهم عليهم أنهم يقولون ما نريد إلا الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله يعني ما قصه الله علينا من قولهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وجاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc le Cheikh il explique que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: une fois que tu as su ça, donc, alors tu as su que leur excuse pour invoquer les salihin et de s'accrocher aux salihin, c'est de dire qu'ils ne veulent d'eux que l'intercession. C'est-à-dire, ils disent, nous on veut uniquement de ces êtres-là, de ces awliya, de ces salihin, qu'ils nous qu'il intercède pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour ça, c'est-à-dire pour qu'ils purifient leur adoration et leurs invocations pour Allah seul, et pour qu'ils n'adorent que Allah, et que la religion soit entièrement pour Allah, hein, entièrement pour Allah seul. Donc, c'est ça la base de ce qu'il faisait comme shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, le shirk il l'a pas mentionné, mais c'est un verset qui se rapporte à ce sujet-là. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. C'est-à-dire, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, allez-vous informer Allah de ce qu'il ignore dans les cieux et sur la terre? سبحانه وتعالى, que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié, exalté de ce qu'il lui associe. La preuve que ce sont des gens qui commettent le shirk et qui font du shirk en adorant et en invoquant d'autres que Allah, sous prétexte qu'ils les prennent comme des intermédiaires. Et le cheikh, il dit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne également au sujet des mushrikin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils disent, comme c'est mentionné dans surat Az-Zumar, le verset 3, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Hein? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah va certes juger entre eux, hein, au sujet des choses dans lesquelles ils divergeaient, et Allah ne guide pas toute personne qui est menteur et négateur. Et il dit ensuite que le messager d'Allah a dit, selon Ibn Omar, j'ai été commandé par Allah de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et lorsqu'ils ont fait cela, ils seront protégés, hein, contre moi dans leur sein et dans leur bien, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement sera à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est Allah qui va les juger, hein, pour le reste. Donc le cheikh il dit, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلص الدعوة إلى الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a combattu les mushrikin et les kuffar à son époque. Pourquoi? Pour que l'adoration soit purifiée, pour qu'elle soit uniquement pour Allah, et pour que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah soit rejeté et abandonné. Il dit, وليس المراد أن يشهدوا بألسنتهم بل أن يشهدوا بألسنتهم ويعتقد ذلك في قلوبهم فليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة بألسنتهم وإنما المقصود أن يقولوا هذه الكلمة مع العلم ومع المعرفة بمعناها وتحقيقها والعمل بمقتضاها فالمطلوب العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والمجافاة عن كل شيء ينافيها. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, donc il a combattu pour que l'invocation soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça veut, donc le cheikh il dit, le but et l'objectif, qu'est-ce qu'on veut, c'est pas que les gens vont juste prononcer la ilaha illallah avec leur bouche seulement, ou avec leur langue. Yani, si tu dis par exemple à quelqu'un dans la rue qui n'est pas musulman, tu le rencontres sur le trottoir, tu lui dis de répéter après toi une parole. Tu lui dis, répète après moi ce que je vais te dire. La ilaha illallah. Et il répète, la ilaha illallah. Et puis tu le laisses et tu t'en vas. Et tu lui dis même pas ce que ça signifie. Est-ce que vous pensez que ça fait de lui un musulman? Hein? Bien sûr que non. Et s'il va aller par la suite, après avoir dit la ilaha illallah de cette façon, il va rentrer par exemple à l'église par la suite, il va prier encore Jésus, il va prier encore à Marie, il va se mettre à genoux devant la statue, ou bien il va retourner, s'il est bouddhiste, devant son Bouddha, ou bien s'il est hindou, il va se tourner vers Krishna ou vers Rama ou bien Vishnu, je ne sais pas quoi d'autre encore, parmi les milliers de divinités qu'il possède, eh bien, hein, ça veut dire que de dire la ilaha illallah, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant juste que tu le prononces. Il faut bien entendu, comme le cheikh il explique, qu'ils témoignent de ça avec leur langue et qu'ils croient à ce que ça signifie dans leur cœur. D'accord? Donc, le but du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ces gens-là disent cette parole, mais pas seulement de la dire. L'objectif, c'est qu'ils disent la parole avec la connaissance de qu'est-ce que ça signifie. Hein? Et la compréhension de ce que ça signifie dans sa signification pour qu'ils puissent appliquer cette signification-là et réaliser sa signification dans leurs actions et dans leurs paroles par la suite. En s'écartant du shirk et en s'abstenant de faire du shirk ou d'offrir des actes d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qui est l'objectif? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en appelant les gens à dire la ilaha illallah? C'est premièrement de leur expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc, tu dis à cette personne, si tu le vois dans la rue, tu lui dis pas juste dis la ilaha illallah puis tu le laisses. Non, tu lui expliques qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Hein? Tu lui dis que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et que tout ce que tu peux adorer en dehors d'Allah, parmi les choses, eh bien, c'est quelque chose qui est batil, c'est quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est shirk, et que c'est quelque chose qui va te faire entrer en enfer pour l'éternité. Hein? Et que ces choses-là ne méritent pas d'être adorées. Hein? Donc ça, c'est de lui donner la science, la compréhension de la signification de cette parole. Puis, par la suite, de l'appliquer et de le mettre en application dans ses actions et dans ses paroles. C'est-à-dire qu'après avoir dit ça, il ne va pas retourner à l'église. Parce qu'il a compris que ça, c'est shirk d'adorer autre qu'Allah. Il ne va pas retourner à son temple, adorer son idole ou sa statue, hein, ou prendre des intermédiaires entre lui et Allah. Il ne va pas aller à la tombe d'un saint ou d'un wali pour demander à quelqu'un d'autre qu'Allah. Puisqu'il a compris la ilaha illallah, qu'est-ce que ça signifie? Il l'a dit, mais il n'a pas seulement dit avec sa bouche, il a compris dans son cœur qu'est-ce que ça signifiait et qu'est-ce que ça impliquait. Hein? Et donc, tout ça, c'est hein, la signification de la ilaha illallah. Donc, le cheikh, il dit également de rejeter tout ce qui vient en opposition et en contradiction avec la ilaha illallah également. ولذلك المنافقون قالوها بألسنتهم وأظهروا الإسلام ولكنهم في الدرك الأسفل من النار فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Donc le cheikh dit c'est pour cette raison que les munafiqun, les hypocrites, eh ben ils ont dit la ilaha illallah avec leur langue, mais ils ont montré l'islam en apparence, mais malgré ça, ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Malgré qu'ils ont dit la ilaha illallah et malgré qu'ils ont appliqué l'islam dans leurs actions. Hein? Sauf qu'ils n'y ont pas cru avec leur cœur. Donc, puisqu'ils n'y ont pas cru avec leur cœur, ils seront dans l'enfer. Et non seulement dans l'enfer, mais dans le plus profond des niveaux de l'enfer. Et le cheikh il dit فَإِذَا قَالُوهَا, donc il mentionne la fin du hadith, lorsqu'ils l'auront dit, ils seront protégés de moi ou protégés contre moi dans leur sein et dans leur bien, excepté pour un des droits de l'islam. Et ça, on a expliqué ce que ça signifiait dans le premier cours ou dans les premiers cours par rapport à ce hadith. Donc le cheikh il dit وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعمل ويعلمه أمته. Donc, Ça c'est la le début de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, et donc l'adoration, le fait d'adorer Allah lui seul, ça c'est le fondement même de cette religion, et c'est le tawhid avec lequel Allah a envoyé tous les messagers et avec lequel Allah a fait descendre tous les livres qu'il a révélés. Et il mentionne le verset 45 dans Surat Az-Zukhruf, hein, cette citation de Cheikh al-Islam, on l'a traduite au début, hein, il mentionne ce verset-là qui est un verset vraiment important qui nous aide à comprendre vraiment beaucoup de choses par rapport au tawhid justement, hein. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Demande aux messagers qu'on a envoyés avant, est-ce que parmi eux, hein, il y en a un qui a établi ou yani dit que on devait prendre autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer, hein? Est-ce que parmi les messagers il y en a un seul qui a dit ça, hein? Et ça c'est un verset franchement qui établit la preuve, yani, contre ceux qui s'égarent à ce sujet-là. Même les chrétiens par exemple qui au lieu d'adorer Allah ils adorent Jésus par exemple, eh bien subhanallah, tu leur demandes, est-ce que parmi les messagers d'Allah, il y en a un seul qui a dit qu'on devait adorer autre que Allah? Parce que les chrétiens, ils, même dans leur livre aujourd'hui, c'est écrit, Jésus, il dit, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Hein? Donc tu leur demandes, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, est-ce que c'était Jésus? Hein? Le Dieu de Jésus, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. Et ça, c'est Allah. Donc, comment vous pouvez prétendre que Isa, hein, est Dieu, puisque lui-même, il dit que son Dieu, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Déjà là, c'est un exemple de leur égarement. Il n'y a aucun des messagers d'Allah, même dans leur livre aujourd'hui, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas une place où on voit où il y a la mention d'adorer d'autres que Allah ou que c'est permis d'adorer autre que Allah. Et même dans leur livre, on retrouve parmi les 10 commandements, le premier d'entre les commandements qui est mentionné dans les 10 commandements, c'est qu'ils doivent adorer un seul Dieu unique et ne faire aucune représentation sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Hein? Donc l'interdiction de faire des représentations humaines ou animales. Hein? Et donc, on voit que ils sont les premiers à avoir contredit ce premier commandement-là. Puisque quand tu rentres dans n'importe quelle église, parmi ces églises, tu trouves des croix partout et tu trouves des images et tu trouves des statues et des gens qui se prosternent devant ou bien qui s'inclinent devant ou bien qui s'agenouillent devant, hein? Et donc tout ça c'est des exemples que ces gens-là, ils ont contredit les plus importants, le plus important de tous les commandements, ils l'ont contredit. Donc si c'est ça le cas du plus important des commandements, alors que penser des autres commandements qui sont moins importants? C'est normal qu'ils vont les contredire encore plus, hein, comme l'interdiction du porc et l'interdiction d'autres péchés qui sont clairs dans leurs livres. Hein? Mais bien entendu, non seulement ils l'ont falsifié, mais en plus, hein, ils l'ont jeté derrière leur dos. Et ils ont refusé de croire en le Coran et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à cause de ça, ils sont restés dans leurs égarements. Hein? Le Cheikh il dit, wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Donc, nous avons fait susciter dans chaque nation, dans chaque peuple, un messager pour qu'ils disent à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Hein? Et il mentionne un autre verset aussi dans ce sens-là, le verset 25 dans Surat al-Anbiya, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté qu'ils disaient, hein, ou excepté qu'on leur a révélé de dire, hein, que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire de leur mentionner cette parole d'Allah, que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et le messager et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a établi et il a réalisé donc le tawhid pour la umma et il l'a enseigné à sa umma. وكل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإله الذي تألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشيةً وإجلالاً وإكراماً. Donc il dit que tout ça c'est pour arriver à la réalisation du tawhid qui est le fondement et la tête de cette religion et Allah n'acceptera l'action que de celui qui est venu avec le tawhid et il va pardonner à celui qui a établi son tawhid. Toutefois, celui qui l'a abandonné, il ne lui pardonnera pas. Comme Allah il dit dans Surat An-Nisa, le verset 48, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché que cela, en dehors de celui-là, à qui il veut. Et quiconque fait le shirk avec Allah, alors il a certes inventé un grand mensonge contre Allah. Et il dit que c'est pour cette raison-là que la parole, La ilaha illallah, la parole du tawhid, c'est la meilleure parole et la plus grande des paroles. Et le plus grand verset dans le Coran, c'est Ayatul Kursi, justement à cause de ça. Allahu la ilaha illahu. Allah, rien ne mérite d'être adoré, excepté lui. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. Hein? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Aucun sommeil ni somnolence ne le touche. Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque yani, dit comme dernière parole La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il entre au paradis. Il entre au paradis. Et Al-Ilah, ça signifie celui que les cœurs adorent et celui yani, que les cœurs yani, celui yani, qui celui que les cœurs adorent dans leurs adorations pour lui et en cherchant l'aide de lui et en mettant son espoir en lui et sa crainte et son respect et son honneur en lui. Donc c'est d'adorer et de chercher l'aide et tout, d'offrir toutes nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant inshallah, puis on va continuer la suite inshallah après la prière de Maghrib bi'iznillah. Donc on va s'arrêter tout de suite. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.